Puis-je vous prier, chers auditeurs, de vous arracher quelques instants à vos circonstances et à vos préoccupations et de vous transporter par la pensée à la cour de Babylone en l'an 539 avant l'ère chrétienne. Cela peut représenter une vraie gymnastique d'esprit, j'en conviens, mais l'effort en vaut la peine. En cette année 539 avant Jésus-Christ, Darius le Mède s'est installé sur le trône de Babylone. Darius a remarqué, parmi les hommes qui occupent d'importantes fonctions dans son royaume, que Daniel fait preuve de capacités exceptionnelles. Il pense alors l'établir au poste de premier ministre. Mais des hommes jaloux de Daniel fomentent une odieuse intrigue contre lui, et cette intrigue aboutira, puisqu'en fin de compte, Daniel sera jeté dans la fosse aux lions. Vous vous en souvenez, chers auditeurs, en son temps, nous nous sommes arrêtés sur le chapitre 6 de Daniel qui raconte cet épisode et nous avons vu comment Dieu a miraculeusement délivré son serviteur des lions. Mais pourquoi est-ce que je reviens à ce chapitre 6 de Daniel alors que c'est du chapitre 9 que je devrais traiter aujourd'hui? C'est parce que ces deux chapitres sont contemporains. En effet, ils sont tous deux datés de la première année du roi Darius. Le récit du chapitre 6 pourrait donc servir de toile de fond à ce qui nous est rapporté au chapitre 9. Le chapitre 6 nous raconte que, malgré l'opposition, le prophète priait trois fois par jour. Le chapitre 9 nous montre qu'Israël était l'objet de sa prière, car Daniel venait de découvrir une prophétie de Jérémie qui lui redonnait courage et espérance. Lisons Daniel 9, 2. La première année du règne de Darius, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Oui, Dieu avait effectivement communiqué ce message d'espérance à Jérémie quelques 50 ans auparavant, alors que l'armée chaldéenne assiégeait Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Jérémie 29, 10. 70 ans. La captivité n'excéderait donc pas 70 ans. Or, il y avait déjà 66 ou 67 ans que tout jeune, Daniel avait été arraché à sa famille pour être déporté à Babylone. La fin de la captivité était donc imminente. Sous peu, Dieu allait accomplir sa parole et délivrer son peuple pour le ramener dans sa patrie. Par la foi, Daniel discerne déjà l'aube d'un jour nouveau pour son peuple. Non seulement il va retourner à Jérusalem, mais le culte au Dieu de ses pères sera rétabli. Cependant, le prophète s'interroge. Comment Dieu pourrait-il rétablir Israël dans sa patrie ? Ne faudrait-il pas au préalable qu'il s'humilie devant lui pour demander pardon pour ses péchés? La captivité n'a-t-elle pas été le châtiment décrété par le Tout-Puissant en raison des désobéissances répétées du peuple? Alors, la libération du joug de Babylone ne devrait-elle pas être le fruit d'une profonde humiliation nationale? Et qui, en Israël, aura à cœur de s'humilier? Daniel sait que la prédication par l'exemple est plus efficace que la prédication en parole. C'est donc lui qui va devenir l'exemple. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Daniel 9, 3. Daniel s'identifie aux fautes de ses pères. Il n'hésite pas à demander pardon pour des délits qu'il n'a pas commis, tant il désire que Dieu fasse à nouveau grâce à Israël. Seigneur, Dieu grand et redoutable, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Versets 4 à 6. Dans l'Ancien Testament, il est trois chapitres qui présentent une similitude remarquable. Esdras 9, Néhémie 9 et Daniel 9. Je ne veux pas m'arrêter sur le fait qu'ils portent le même numéro de chapitre, mais je pense aux événements qu'ils relatent. À leurs époques respectives, Esdras, Néhémie et Daniel se sont tous trois identifiés aux fautes et aux péchés de leur peuple pour plaider la clémence de Dieu en leur faveur. et dans chaque cas, ses prières ont fait fléchir la justice de Dieu qui est intervenue en miséricorde en faveur d'Israël. Le roi David l'avait exprimé bien auparavant dans l'un de ses cantiques. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Psaume 18, 28. Et l'apôtre Pierre l'a précisé aux croyants du premier siècle. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 6. Aujourd'hui encore, Dieu attend les prières d'humiliation de son Église pour ouvrir les cieux sur elle. Qu'il nous soit fait la grâce de fléchir à notre tour le genou devant le Seigneur et d'invoquer le pardon divin pour tant de fautes commises, dans nos vies d'abord, puis dans notre communauté, enfin dans l'ensemble de la chrétienté. Le Seigneur interviendra en faveur de son Église en au temps de la fin, quand elle se sera humiliée devant lui dans l'obéissance et dans l'amour. Mais revenons à Daniel. Il était en train de prier. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu. Daniel 9, 19. Quand l'ange Gabriel est venu, elle lui a apporté une réponse du Très-Haut. Nous lisons Daniel 9, 21 à 23. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Non seulement le Tout-Puissant a entendu la prière de Daniel, mais il lui envoie l'ange Gabriel pour lui faire connaître sa réponse. Et la vision qui lui est alors accordée ouvre un horizon qui va bien au-delà de l'exil de Juda et de la perspective de son prochain retour en Palestine. C'est un message d'une telle importance que les commentateurs de l'Écriture sainte n'hésiteront pas à le désigner comme le sommet de la prophétie biblique. En quelques mots, les versets 24 à 27 de ce chapitre 9, l'ange Gabriel révèle à Daniel le programme de Dieu pour Israël couvrant 500 ans de son histoire. Et dans ce cadre, il précise même la date de la crucifixion du Messie. En outre, cette prophétie soulève le voile des circonstances dramatiques que connaîtra Israël lors du règne de l'Antéchrist à la fin des temps. Vous lirez donc attentivement, chers auditeurs, ces versets 24 à 27 de Daniel 9. Vous verrez d'abord qu'il y a question de « semaine », un terme hébreu qui signifie littéralement « septième ». Le contexte du livre de Daniel nous montre qu'il ne peut s'agir de semaine de séjour, il s'agit plutôt de semaine d'année, c'est-à-dire qu'une semaine correspond à 7 années. Trois nombres sont indiqués coup sur coup par rapport à ces semaines. Au verset 24, 70 semaines. Au verset 26, 7 semaines additionnées à 62 semaines, donc 69 semaines. Si une semaine correspond à 7 ans, 69 semaines correspondent à 483 ans et les 70 semaines du verset 24 correspondent à 490 ans. D'une part, la prophétie de Daniel 9 embrasse globalement des événements qui s'étalent sur 490 ans. D'autre part, elle divise cette période en deux, d'abord 483 ans, ensuite 7 ans. Nous ne pourrons pas traiter des deux périodes aujourd'hui, mais parlons un peu des 69 premières semaines d'année, et d'abord lisons le verset 25 de Daniel 9. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Ce texte précise donc quand ce calcul des semaines d'année commence. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Quand, en l'an 538, l'empereur Cyrus a engagé les Juifs à reconstruire le temple, Esdras 1, 1 à 4, il n'a donné aucune consigne quant à la ville de Jérusalem. Pas davantage que Darius Hystaspe, dans sa lettre impériale de l'an 526, cette lettre qui est citée en Esdras 6, 1 à 12. Il faudra donc attendre l'an 445 pour qu'un empereur perse ordonne la reconstruction des murailles de Jérusalem. Ce sera le roi Artaxerxès et c'est à Néhémie qu'il confiera cette mission. Néhémie 2:8. Nous voilà donc fixés, c'est l'an 445 qui marque le point de départ de la période prophétique de 483 ans dont parle Daniel. Et que doit-il se passer à la fin de ces 483 ans ? Verset 26. Le Messie sera retranché. Pour nous, c'est facile. Le Messie, c'est Jésus-Christ. Le fait qu'il soit retranché est une allusion à sa crucifixion. Mais peut-être pensez-vous qu'il suffit d'ajouter ces 483 ans à l'an 445 avant Jésus-Christ pour obtenir la date de la crucifixion de Christ. Or, le calcul n'est pas si simple. D'une part, Daniel comptait en année prophétique de 360 jours, comme le montre le contexte. D'autre part, le calendrier a été établi sans qu'il y ait d'année zéro entre les deux ères. En tenant compte de ces considérations, nous aboutissons à l'an 29 ou 30 de l'ère chrétienne, soit exactement le moment où Jésus-Christ est mort à la croix du calvaire. Quelle précision ! Dieu savait tout, au jour et à l'heure près, et il l'a révélé à Daniel. Les chefs religieux d'Israël qui ont fait crucifier le Messie ne se doutaient pas qu'ils accomplissaient malgré eux une prophétie dont Dieu avait indiqué plus de 6 siècles auparavant la date exacte. Ne sommes-nous pas émerveillés une fois de plus, chers auditeurs, de constater la précision de la parole prophétique ? Et comme cette parole a indiqué 600 ans à l'avance l'année de la mort expiatoire de Christ, elle annonce, près de 2000 ans à l'avance, le retour de Christ pour rencontrer son Église et régner sur le monde. Elle ne nous en donne pas le jour et l'heure exacte, mais elle nous enjoint à nous y préparer. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, 44. Chers auditeurs, pour ne pas être surpris demain par cette arrivée soudaine, préparez-vous-y aujourd'hui en vous mettant en ordre avec le Seigneur.